Pour la première fois dans l'histoire de la lutherie, les patroluthiers de Mirecourt ont payé l'apprentissage des luthiers, des jeunes ouvriers qui voulaient apprendre le métier de luthier. Parce qu'ils se sont trouvés devant un problème de recrutement. Les gens voulaient plus apprendre pendant 3 ans gratuitement pour apprendre un métier qui n'était pas tellement rémunérateur. Alors pour la première fois, les grandes maisons se sont trouvées devant un problème de recrutement et ils ont payé les apprentis.